Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse en séance les étapes d'une psychanalyse, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a l'envie d'être une souris pour se cacher dans le coin d'un cabinet de psychanalyste et comprendre enfin comment ça se passe, ce qui se passe, ce qui se dit et comment ça se dit. De savoir comment ça fait du mal et comment ça fait du bien, de savoir si ce psychanalyste est comme le mien, s'ils sont tous pareils et si ce cabinet ressemble à celui que l'on a fréquenté. Et puis aussi, on voudrait que l'analyste avoue, est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'elle compatit? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'elle s'ennuie? Et surtout, est-ce qu'il nous aime? Mais d'abord, il faut choisir. Alors pour commencer, les personnages. Des analystes qui fument, d'autres qui se taisent, certains qui prennent des notes, d'autres qui rient, des patients qui hésitent ou qui ont jeté leur dévolu. Ensuite, le décor. Une fenêtre, un Vélux, une vue sur les toits, une lumière douce, un chat, un silence feutré, la vie qui passe à travers les murs, le grand jardin d'une clinique et quelques paravents. Aujourd'hui, deuxième épisode, comment savoir quelle porte ouvrir ? J'ai été cambriolée, c'était un meurtrissure, j'étais complètement vandalisée dans une maison, et je me suis rendu compte que c'était un trauma qui passait pas, donc il fallait vraiment que quelqu'un vienne m'aider, et il y avait des techniques pour ça. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle le tour des popotes, je suis vraiment allée voir toutes les obédiences, je suis allée voir des hommes, des femmes, des... Voilà, et j'étais horrifiée, parce que j'ai rencontré de... J'ai pas pu suivre, je suis tombée sur des gens qui m'ont sadisé, enfin... Et je m'étais jamais posé la question de leur apparence. Alors, des choses qui pouvaient compter, c'était quand on sonne, comment ils reçoivent, c'est-à-dire le visage, qui ouvre et où on vous met. C'était important pour moi, bizarrement, où on vous met. Quelque chose comptait qui était quand ils étaient assis, dans les premiers temps, avant d'être allongés, on est face à face. Comment jouer la lumière? Comment la mise en scène et en condition d'une parole à deux s'élaborer, ça me paraissait important. Je pense que je peux souvent juger les gens sur leur faciès, donc je pense que j'ai pas d'avantage là. Peut-être une façon d'être vêtu agréablement. Quand je dis agréablement, c'est quelque chose de confortable et de non ostentatoire. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'un attachement à des traits d'un visage, un attachement à un timbre de voix, bien sûr, ça on a dû vous en parler beaucoup, parce que c'est un peu comme l'annonciation, vous savez. Les annonciations dans la peinture, c'est vraiment la parole dans l'oreille qui engrosse. Et c'est vrai que c'est avec les mots qu'on arrive à faire des enfants. Et là, c'est avec les mots qu'on guérit, donc c'est quelque chose... Je crois que le timbre est très important. Le timbre et la tessiture... Ça murmure trop bas ou pas assez, enfin, quelque chose comme ça. Mais j'y avais pas pensé avant que vous me posiez la question. Vous ne m'avez jamais comprise. Vous n'avez jamais eu de vrai contact avec moi. C'est la dernière fois que je viens vous voir. Ça fait 5 ans qu'elle dit ça, et comme les autres fois, ça ne sera pas la dernière. Vous êtes froid. J'arrive jamais à comprendre ce que vous ressentez. Vous me direz que c'est une méthode de travail, mais la méthode n'a rien à voir. Vous êtes un être froid. L'analyste que je voyais avant vous était différent, il était moins distant. Il ne me donnait pas l'impression d'être au point mort comme vous. C'est pas la première fois que je vous vois ainsi découragé. Tâchons d'essayer de comprendre ensemble ce qui vous est arrivé et de trouver le moyen de progresser. Aujourd'hui, vous ne vous énervez même pas. C'est que vous avez compris aussi que nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'est pas de votre faute, docteur. Le problème est très simple, en fait. Vous n'êtes pas l'analyste qui me convient. C'est vrai, je ne peux plus rien faire. La thérapie est terminée. Que va-t-elle faire maintenant ? Elle ira chez un autre analyste, elle laissera tomber. Je ne suis arrivé à rien, j'ai échoué. Combien de temps il reste ? 1 minute dans 1 minute. Tout sera fini. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors à mardi ? Oui, c'est ça, mardi. Au revoir. Au revoir. Thank you. En séance, choisir son analyste. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Corinne Ehrenberg, un homme ou une femme qui vient pour la première fois dans votre cabinet, il vous dit quoi ? Moi, je me tais, donc il dit absolument ce qu'il veut. En général, il commence par être un peu déstabilisé par cette façon de l'accueillir. Bien que je reste quand même dans une civilité ordinaire, au moins quand j'ouvre la porte et que je fais asseoir. Mais après, c'est quand même une situation un petit peu étrange pour la personne qui vient. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ça dépend de laquelle. Si elle dit rien et si elle n'arrive pas à parler, je l'encourage à dire ce qui lui vient à l'esprit. Parce que souvent, les gens demandent « Est-ce que je dois vous raconter ma vie ? Par quoi je commence ?» Donc déjà, je commence à dévoiler la règle fondamentale qui est « Dites les choses comme elles viennent. » Vous faites ce métier depuis combien de temps ? Je sais pas, longtemps. On va dire une trentaine d'années. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous entendez dans les premiers entretiens ou au cours d'une analyse que vous n'entendiez pas moins souvent il y a 30 ans ? Alors peut-être que j'idéalise un petit peu le passé, mais j'ai l'impression que la psychanalyse, quand on s'adressait à un psychanalyste, on savait qu'on s'adressait à un psychanalyste. Aujourd'hui, entre les TCCistes, les coachs, tous les accompagnements divers et variés qu'il peut y avoir, j'ai l'impression qu'on est un peu dilué là-dedans et qu'il faut que dans ces entretiens préliminaires, on se resitue, on se redéfinisse et on explique au patient qui s'adresse à nous dans quelle démarche il va s'engager. C'est-à-dire partager le chagrin, non, ça c'est pas le rôle d'un psychanalyste. Non. Et donc vous le dites clairement ? Pas du tout. Ah. Mais comme je suis relativement apathique, pour reprendre un terme d'un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de psychanalyste apathique et le patient postmoderne de Laurence Kahn, qui est une charge contre l'empathie. L'empathie qui est un peu le cheval de bataille de toutes les autres thérapies, on va dire, pour aller vite. Mais l'apathie, ça veut dire que ça ne vous touche pas, ce que raconte le patient ? Ah, bien sûr que ça me touche, mais je ne manifeste pas. Mais parfois, ça donne lieu à des choses un peu difficiles pour les patients. Par exemple, un patient qui dit « je veux arrêter », ça n'a absolument aucune incidence sur le fait que je vais lui dire qu'il va revenir à sa prochaine séance. Donc, il se familiarise avec cette écoute très singulière, qui est qu'on n'écoute pas ce qu'ils veulent consciemment dire, on essaye d'entendre un peu autre chose. Alors, parfois, dans les entretiens préliminaires, on peut expliquer, faire de la pédagogie, et expliquer pourquoi on va proposer ce dispositif en particulier. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de montrer d'ores et déjà comment on écoute ? Bon, parfois, on n'a pas l'occasion d'intervenir un peu à côté de ce que le patient dit pour lui montrer que le principe de notre façon d'écouter. Mais quand on peut le faire, c'est bien. Est-ce que vous donnez des conseils au patient ? Et il arrive qu'il vous en demande ? Plein de fois. Et donc, vous restez silencieuse ? Ouais. C'est bizarre, hein. On a une discussion avec un collègue il n'y a pas longtemps qui a reçu un homme à la fin de l'année, c'est-à-dire après les attentats. Et il était donc, il avait fait quelques séances et il avait téléphoné donc à son analyste en lui disant « Je suis coincé dans le métro parce qu'il y a un colis piégé ou il y a quelque chose de suspect. Je peux pas venir à ma séance, est-ce que vous pouvez m'en donner une un peu plus tard ?» Et donc il lui répond qu'il l'attend à la séance suivante, qui était le cadre qu'ils avaient défini. Et il me disait à quel point il éprouvait un malaise et une difficulté à non seulement ne pas remplacer la séance, faire payer la séance, Et ce patient qui est arrivé en lui disant « bonne année » ne pas répondre « bonne année ». Et vous auriez fait comme ça ? Alors, sur le « bonne année », peut-être pas à la porte. En revanche, il avait raison de se dire « après tout, est-ce qu'il me souhaite véritablement une bonne année ?» On est quand même dans une logique du soupçon avec la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on ne s'en tient pas à ce qui est consciemment dit et intentionnellement dit. On essaye de l'entendre un peu différemment. Et parfois, on a un peu de mal, nous aussi, à appliquer nos normes et nos standards, qui sont quand même tellement en rupture avec la civilité ordinaire, la communication ordinaire, que nous aussi, on a du mal. Alors, on repense à quel point c'est important de ne pas rater les occasions d'analyser le transfert négatif, et que si on est dans la compassion, l'empathie, la gentillesse et la communication ordinaire, il ne se passe rien. Est-ce que vous donnez votre numéro de téléphone, Corinne Ehrenberg, à vos patients ? Ils ont votre portable ? Alors, là, je me suis beaucoup assouplie sur ces histoires de nouveaux objets. D'abord, je bascule ma ligne professionnelle sur mon portable dès que je pars. Donc, forcément, quand on m'appelle, on tombe sur mon portable. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Ça se filtre très facilement à portable. Et vous ne répondez pas aux patients le soir ? Non. Éventuellement, un SMS pour un problème qui va concerner la séance du lendemain. Mais non, sinon, non. Comme je suis l'homme élégant, pour conduire, je mets les gants dans les bolides extravagants de François Sagan. Dans ses romans, dans ses nouvelles, cette dame demoiselle mêle de jolies mélancolies frêles, et je chante ma ritournelle à la gloire d'elle. Bonjour, bonjour, tristesse. La chamade à la laisse de guerre. Aimez-vous Brahms ? Vous pensiez quelque chose, Kamel, de la psychanalyse avant d'aller chez un psychanalyste ou une psychanalyste ? J'étais dans un univers, pour ma part, ultra-matérialiste, donc j'avais l'impression que ça n'était... Puis j'avais comme image de la psychanalyse, au-delà de ce que j'avais lu de Freud, Woody Allen. Donc j'avais l'impression que c'était... Fondamentalement, je pensais que c'était un peu de la masturbation intellectuelle, de gens qui n'avaient rien d'autre à faire dans la vie que de se regarder le nombril. Ça, j'avais 20, 22, 23 ans. Après, j'étais persuadé qu'avec d'intelligence ou de mise en fonction de son cerveau, on pouvait s'en sortir seul. J'ai donc lu quelques ouvrages sur l'auto-analyse, parce que ça existe, certains l'ont préconisé. Et puis un jour, je suis allé chez un psychanalyste comprenant que ça me serait davantage utile. Le premier ou la première que vous avez vu, c'était Le Bon ? Si on considère le fait que j'y ai passé maintenant plus de la moitié de ma vie, je pense que la première que j'ai vue était à tout le moins une bonne, puisque d'abord ça ne m'a pas dégoûté de la psychanalyse, ça m'a fait évoluer dans la vie, dans quel sens je ne saurais pas, ça je ne voudrais pas le commenter, parce que bon, après... Oui, elle était très bien, elle me convenait, elle m'a mis un pied à l'étrier pour... Alors certains diront, mais oui, mais si tu y as passé autant de temps, c'est peut-être qu'elle n'était pas bonne. Je pense fondamentalement l'inverse. Je ne suis pas certain que je serais encore en vie si à l'époque je n'étais pas allé en psychanalyse. Vous vous êtes allongé avec cette première analyse, vous étiez sur le divan, vous étiez en face à face ? Ah non, non, tout de suite, mais c'est même pas moi qui ai décidé, hein. C'est elle qui a décidé d'emblée, après un premier entretien consistant à voir à ce que je lui raconte une partie de mon histoire, dès la deuxième séance, j'étais sur le divan. Vous vous souvenez de cette anecdote où c'est la patiente de Freud qui lui dit, bon ben, enfin, je simplifie, mais est-ce que je peux en placer une? Parce que vraiment, bon, du coup, il avait compris qu'il fallait peut-être un peu plus. Mais évidemment, enfin. Christophe Paradas. Je pense ne pas être un analyste totalement silencieux. Mais le silence lui-même peut être l'allié le plus précieux, mais aussi parfois quelque chose de défensif. Ou, enfin, c'est compliqué. Il y a des colloques entiers sur le silence de l'analyste. Une critique qu'on peut se faire en tant que clinicien, que ce soit dans la psychothérapie en face à face ou dans l'analyse, parfois on en dit trop, ça c'est sûr. Mais que l'analyste ou que le clinicien soit pas parfait, c'est plutôt une chance pour le patient, même si parfois il le remet en tout à fait en place et tout à fait. Mais déjà, l'imperfection, c'est un drôle de mot parce que ça sous-entendrait qu'il y a une perfection. Non, mais vous avez dit que c'était plutôt bien qu'il ne soit pas parfait. Oui, c'est ça. C'est de la même manière que nous ne sommes pas des spécialistes de la normalité, du normal, mais plutôt notre métier, c'est plutôt ce qui ne serait pas le normal, disons, mais à condition de le définir, ce qui est impossible. Donc on est plutôt. Dans le symptôme, dans la névrose, dans l'angoisse, dans la souffrance, dans ces choses-là, que dans le bonheur, éventuellement un bonheur comme ça, illusoire bien évidemment, béat, et surtout pas spécialiste de la normalité, ni même, d'où le fameux la mère suffisamment bonne, bon, mais ça, c'est, mais Winnicott parle de la mère, ce qui n'est pas évidemment uniquement la fonction de l'analyste, où ça... le transfert maternel, mais quelque chose qui serait, moi j'ai envie de dire, suffisamment pas trop mauvais, ce qui est déjà pas mal. Et pendant 2 jours, je faisais tout à la perfection, sans jamais me tromper. Et puis, en regardant le titre d'un journal, j'ai vu que le mot « lent » était écrit. Ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je me mette à chercher immédiatement le contraire. J'ai feuilleté tout le journal jusqu'à ce que j'ai trouvé le mot contraire, « rapide ». Mais à ce moment-là, il était déjà très tard. J'avais passé plus d'une demi-heure à chercher. Je ne pouvais plus arriver au supermarché à 4 heures précises comme j'avais prévu de le faire. J'avais commis une erreur. Et aussitôt, je me suis fixé une autre date qui était hier à 00h30. Mais j'ai de nouveau commis une erreur parce que, avant de m'endormir, j'ai bu une gorgée d'eau. Mais j'avais oublié de stériliser le verre. Et j'ai bu de l'eau polluée. Maintenant, il faut que je recommence tout au début. Que je me fixe une autre date. Qui pourrait être, je pense... Écoutez, Raffaella, 7 heures, c'est la meilleure pour moi. J'ai pris mon thé, je suis lucide. Suivez-moi. Chaussures de football pour jouer sur terre battue. Chaussures de football pour jouer sur l'herbe. Chaussures de cyclisme, chaussures de basketball, chaussures de tennis, chaussures de jogging, chaussures de volleyball. Vous vous ennuyez beaucoup. Pourquoi ne pas faire un peu de sport? Je crois que vous ne pouvez même pas imaginer combien c'est fatigant de mener une vie comme la mienne. Je l'imagine parfaitement bien, et même je le sais parce que je suis au moins aussi ennuyeux que vous. Alors on se voit mercredi ? On se voit mercredi. Pourquoi Didier Pourqueret, vous n'avez pas été, pas eu envie d'aller chez un psychanalyste avant la mort d'Agathe, votre fille ? J'avais eu envie, j'avais essayé une fois. C'est une drôle d'expérience. J'avais essayé, c'était à fin des années 80. J'avais perdu mon père, j'étais en train de perdre ma mère. Et c'était pas facile. C'est lié à la mort. Et donc j'ai essayé. Et là, je suis tombé sur un mauvais psychanalyste. Une personne très trop jeune, un Jungien pourtant, tout à fait, qui correspondait un peu à ma démarche. J'avais pas envie de me retrouver chez un Lacanien ou chez... Et chez un non-Lacanien et un non-Jungien non plus. Si, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé après. Voilà, la question ne se posait même pas avec mon analyste, la question de l'obédience ne se posait même pas. Elle était là, j'étais là et on dialoguait. Enfin, on dialoguait, je parlais surtout. Bref, avec cette première expérience, elle a été assez brève. Et il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Et donc, au bout de quelques mois, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté assez brutalement, d'ailleurs, parce que ça m'énervait. Et surtout, ça c'était un bon critère, j'ai trouvé que ça me coûtait cher. Et alors que l'analyse dont je parle maintenant, à aucun moment je me suis posé la question du prix. Parce que c'était un cadeau que je me faisais deux fois ou trois fois par semaine. À moi, et c'était chouette. Alors que là, je trouvais que c'était cher. Pourquoi je trouvais que c'était cher, ce premier psychanalyste, cette psychanalyse ratée? C'est parce qu'il ne se passait rien, et que je tournais en rond, et que les questions de relance étaient particulièrement bébêtes. Ça faisait psychanalyse 1.0, et donc, bon, j'ai arrêté. J'ai rien à dire sur les obédiences de psychanalyse. C'est pas parce que j'ai appris ça aussi, c'est pas parce qu'on fait un travail d'analyse qu'on devient un spécialiste de l'analyse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est spécialiste de son travail d'analyse. Patrick Guyomard, vous êtes psychanalyste depuis combien de temps et vous l'êtes devenu après combien d'années d'analyse ? Alors, je suis psychanalyste depuis 46 ans. Ça fait très longtemps, mais c'était à une époque où on se lançait dans la psychanalyse, un peu porté et encouragé par Lacan et le mouvement lacanien, qui n'était pas simplement un retour à Freud au sens théorique du terme, mais aussi un retour à Freud au sens de l'élan de Freud, de l'inspiration de Freud, et d'une certaine façon de la jeunesse de la psychanalyse, si on peut dire. Patrick Guyomard, lorsqu'une rencontre entre l'analyste et le patient se passe bien, elle se passe comment ? Ah, c'est une très bonne question, très délicate, parce que ce qui se passe bien, ça ne veut pas dire qu'on s'entende. Ça ne veut même pas dire forcément qu'il y a un accord. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que dans les premières rencontres, quelquefois dans la première rencontre, qui est un premier rendez-vous, entretien préliminaire ou pas, mais enfin on appelait plutôt ça premier rendez-vous, bien sûr porté par l'attente du patient, qui peut être une attente pleine d'espérance, pleine de souffrance, un peu anxieuse, etc. Il y a ce rendez-vous, il y a cette rencontre devant un analyste ou avec un analyste qui est disponible. Et à ce moment-là, l'analyste n'est pas du tout dans la position de quelqu'un qui aurait à faire une évaluation, à poser un diagnostic, etc., bien que ces questions se posent, mais en un second sens, en un autre sens que celui qu'on utilise habituellement, le plus important, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'il se noue quelque chose. Et ce qui se passe, c'est à la fois un nouage, un événement, et en même temps, paradoxalement, une ouverture. C'est-à-dire, d'une certaine façon, un dénouage, hein, malgré soi, par surprise, et qui, par conséquent, met en avant, je dirais presque sans qu'on s'en aperçoive, le possible engagement d'une analyse, le début d'un transfert, et l'envie de continuer cette aventure. Voilà. C'est ça un début qui se passe bien. Voilà. Cette chose qui s'ouvre, elle s'ouvre aussi du côté du psychanalyste ? Elle s'ouvre absolument du côté du psychanalyste, parce qu'on attend d'un psychanalyste, mais ce n'est pas une formule vide, enfin, qui soit absolument neutre, c'est-à-dire disponible dans ce rendez-vous, disponible à ce qui peut se dire, à ce qui peut s'entendre, et cette part du psychanalyste, disons, qui fait que de son côté, il se demande s'il va lui s'engager, parce que le début d'une analyse ou l'engagement d'une analyse, elle n'est pas symétrique, chacun n'est pas réciproque, mais chacun y a sa part. Il faut que celui qui vient demander ait la possibilité, dans un après-coup, deuxième, troisième séance, quelquefois on se voit une fois, on ne fixe pas d'autres rendez-vous, enfin on laisse la personne ou le patient réfléchir, appeler, donc il faut qu'il soit prêt à y aller, si je peux dire. Et du côté de l'analyste, mais dans un registre différent, il faut aussi que l'analyste à la fois se sente partant pour ce travail, c'est-à-dire à la fois disponible, mais qu'il y croit. En tout cas, personnellement, je n'engage jamais une analyse si je n'y crois pas. Comment vous avez choisi le ou la psychanalyste ? Eh bien, j'ai suivi les conseils de l'ami de mes parents que j'étais allée voir et qui m'a dit « Oh, je pense que tu pourras aller voir cette personne ». Et je suis allée voir cette personne et le contact est très bien passé. Alors, je l'avais déjà croisé, mais simplement croisé. Et effectivement, ça s'est très bien passé. C'était une analyse que moi, j'ai trouvée très, très heureuse. Mais non, elle m'a... Si je devais dire pourquoi est-ce qu'elle m'a plu tout de suite... Catherine de la rue Breton. Parce qu'elle était cash. Parce que je lui ai dit, on se connaît, enfin sans doute moi-même, là, étant dans des hésitations, on s'était déjà rencontrés à un réveillon chez les amis que j'avais sollicité pour qui m'avait donné son nom. Je l'avais déjà vue, je la connaissais pas vraiment. Mais... Donc je lui ai dit, on se connaît, c'est pas ennuyeux ça pour la psychanalyse, un petit tour un peu comme ça, pour coincer l'autre. Et elle m'a dit, ça vous gêne qu'on se connaisse ? Je lui dis, non, en fait, je ne vous connais pas vraiment. Elle me dit, alors je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, j'ai bien aimé ce mode de relation très, très direct, les choses peuvent être dites, on peut parler de tout. Est-ce que ça vous intéressait de savoir quelle personne dans la vie était votre analyste ? Oui, et alors en même temps, ça c'est mon côté, mais avant d'être linguiste, j'ai fait des études de lettres et j'étais prof de lettres, donc la littérature, et j'aime beaucoup la littérature. Et je dis cela parce que avoir une relation aussi intime avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est extrêmement littéraire en fait. Ça n'existe pas dans la vraie vie, sauf dans la psychanalyse. Ça existe dans la littérature. Ces choses qu'on peut se dire invraisemblables, et là, j'étais partagée parce que à la fois j'avais envie de savoir des choses, mais en même temps j'en ai beaucoup inventé, je pense. Mais j'aimais beaucoup aussi ce côté, j'allais dire dissymétrique, mais même pas, parce que dans l'analyse, on sait aussi beaucoup de choses sur son analyste, dans la manière dont il analyse. Enfin, il livre des choses de lui qui ne sont pas des choses de l'ordre de l'événementiel ou de la narration d'expérience. Alors que l'analysant raconte son expérience, il est dans la narration d'expérience, mais pour produire la signification. Mais la signification, c'est l'abord ensemble. Donc la signification... on en apprend en parlant de soi, on apprend beaucoup sur son psychanalyste aussi. Et je pense que j'ai appris pas mal de choses aussi sur sa vraie vie, si je puis dire. Pas seulement sur sa vie psychique. Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait une autre vie à part la vie psychique. Mais je pense que la vraie vie, c'est une vie d'abord psychique. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça, c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si, là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Oh non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été si par la lunette, pas les idées bien installées, des échelles. Ondulé, par si par la lunette, pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same. Clarisse Baruch, il a toujours été meublé ainsi, votre cabinet, en 15 ans. Vous avez toujours eu ce divan? Non, j'ai pas toujours eu ce divan. Comment vous le décrire, avec des étagères, des livres, mais pas sur toutes les étagères, pour laisser de l'espace aussi. Ça n'est pas bourré de livres partout, mais il y a des livres, des espaces, des objets. Et puis un divan dont je suis très fière aussi, qui est un divan ancien, probablement indonésien d'origine, mais j'en sais rien en fait, qui est en bois un peu sculpté et qui est très inconfortable mais très joli. Non, je préférais qu'il soit confortable. J'ai essayé de faire mettre des bons matelas, mais je sais pas, il est pas si inconfortable que ça. Allez, en tout cas les patients ne s'en plaignent pas. Vous êtes très à cheval sur le cadre, sur le maintien du cadre, Clarisse Baruch? Moi, je trouve pas, mais mes patients, si. Alors, je ne sais pas qui a raison. Non, je suis à cheval sur des fondamentaux. Sur des fondamentaux du cadre, effectivement. durée des séances, nombre de séances, le fait que les séances manquées soient dues. Après, je ne fais pas partie de ceux qui ne remplacent jamais de séance quand il y a une impossibilité de la part des patients. Ou, voilà. Il y a aussi... je pense que c'est toujours la même chose. Il faut être à l'aise dans son cadre. L'analyste doit être à l'aise dans son cadre. C'est-à-dire qu'en réalité, le plus important, c'est ce qu'on appelle le cadre introjecté. C'est-à-dire celui que nous, on a en nous-mêmes. C'est ça qui est important. C'est qu'on en ait bien la perception et qu'on sache pourquoi on fait les choses. Et que ce soit pas une espèce de règle autoritaire et externe. Ça peut pas marcher comme ça. Une fois que le patient se lève du divan et qu'il paye, vous discutez un petit peu ? Oh non. Ah non. Non, non. Non, sauf s'il a quelque chose de particulier à me dire, du style « je serai pas là la semaine prochaine » ou « quand est-ce que vous prenez vos vacances ?» Mais non, non, non, non. Discutez pas de la pluie, du beau temps. Non, du tout. Du tout, puisque, encore une fois, ça, ce serait rompre avec la règle d'abstinence. C'est-à-dire, ce serait se montrer en tant que personne. Et ça ficherait le bazar dans la cure. On doit rester, même si c'est parfois très frustrant, on doit rester ce que le patient peut faire de nous. Vous serrez la main et vous dites... vous serrez la main au début et à la fin, lors d'une séance. Moi, je laisse les patients libres. Je leur serre la main s'ils veulent me serrer la main. Et s'ils ne veulent pas me serrer la main, ce qui arrive quand même assez souvent, je les laisse ne pas me serrer la main aussi. Et ils vous donnent l'argent ou ils le déposent sur la table ? Ça dépend des patients. Parfois sur l'étagère, parfois sur la table, parfois ils me le donnent, parfois dans une enveloppe, parfois en billet, parfois... Enfin bon, tout est possible. Et pourquoi il faut que ce soit en liquide ? Ça, c'est une grande question. Les patients, au début, ont beaucoup de mal à comprendre. Alors, évidemment qu'après, le premier fantasme, c'est vous frauder le fisc. Bon, ça... Bon, soit ça prend une place particulière dans leur monde fantasmatique et ça peut s'interpréter, soit c'est vite abandonné. Et souvent, ils disent, mais attendez, c'est quoi ça sert que j'aille à la tirette pour retirer de l'argent pour vous le donner ? Je leur dis, ben, vous verrez. Et effectivement, ils voient. C'est-à-dire que donner un paquet de billets, c'est vraiment pas pareil que de faire un chèque sur un bout de papier. C'est comme ça, je veux dire. Alors après, toute la théorisation autour de la valeur symbolique, de l'argent sale, de l'argent propre, de l'analité, de ça renvoie au caca, à la relation à la mère, quand elle vous faisait faire sur le pot, etc. Tout ça, c'est de la théorie. C'est de la théorie très juste, hein, on la retrouve dans la clinique, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, ça reste complètement abstrait. Hein. Mais ce qui est concret, c'est d'aller à la tirette, de sortir l'argent pour le donner à son analyste. Et ça devient très très concret, très très vite. Et donc c'est une véritable relation qui s'instaure, portée par son pesant d'or, on va dire. Carrément. Bah. Oui. Vous l'avez allongé ou vous le voyez en face à face ? Question d'usage dans la profession, question souvent lourde de présupposés, à commencer par celui-ci. Il n'y a de véritable analyse qu'avec divan, le face à face, c'est bon pour la psychothérapie. Je récuse cette hiérarchie, comme je conteste que psychothérapie soit associée à soutien, réassurance, réparation et psychanalyse à indifférence quant au mieux-être du patient. Erreur aussi de croire que le face-à-face exclut l'analyse du transfert, à supposer que le transfert s'analyse. Au mieux, il se dissout pour se déployer au lieu de se fixer. De mes patients en face-à-face, je garde facilement en mémoire ce que fut leur histoire. J'ai le sentiment de bien les connaître, de les comprendre, de percevoir ce qui les fait souffrir. Et je crois qu'ils me connaissent, eux aussi, devinent mes goûts, détectent mes limites. Nous sommes attachés l'un à l'autre. Le jour où nous nous séparerons, quelqu'un quittera quelqu'un. Quand un patient se lève pour la dernière fois du divan et franchit le sas qui sépare mon cabinet de la porte palière, l'émotion est là, bien sûr, mais différente. le plaisir mêlé à la tristesse d'une séparation, de s'être dégagé de quelque chose qui pourrait ressembler à une folie à deux. J.B. Pontalis, Fenêtre. Qu'est-ce que ça change, Didier Pourquery, de s'allonger sur le divan ? De s'allonger, c'est un laisser-aller, un lâcher-prise qui est très important. C'est-à-dire que dans la première phase, face à face, on explique. Enfin, ce qui me concerne, je vais plutôt dire j'explique. J'explique, je raconte, je pose le problème, je pose le... Et petit à petit, le cadre apparaît, et dans ce cadre, on se sent bien, je me sens bien. Et donc, puisque je me sens bien, je peux me retrouver face à moi-même. En l'occurrence, le déclenchement, ce qui a fait que, au bout de pas mal de temps, au bout de 3 mois peut-être, je me suis allongé, c'est que j'ai eu un rêve, j'ai fait un rêve. Alors c'était magique parce que j'ai toujours, j'ai souvent noté mes rêves. Mais là, c'était vraiment du bonheur de pouvoir... Si vous voulez, pour moi, l'analyse a été un travail joyeux, de bout en bout. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut. Ça m'a aidé, ça m'a sorti de plein de choses. Et surtout, c'était un travail joyeux. Et donc, un jour, j'ai fait un rêve très simple. J'étais dans une grande plaine américaine. Et il y avait au milieu... une banque centrale, telle qu'on les imagine, une énorme banque, toute fermée. Et je m'approchais et je regardais par les fenêtres de cette banque, à l'intérieur. Et là, à partir de ce rêve, aussi simple que celui que je viens de vous raconter, s'il n'y avait rien d'autre, je me suis assis, je me suis allongé pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette forteresse ou de cette banque centrale bien fermée. Alors, banque centrale, c'est certainement mon côté économiste. C'était pas une prison, en tout cas, c'était vraiment une banque. Et donc, je regardais ça. L'aspect, tout d'un coup, d'être allongé, ça ouvre les vannes de plein de choses. Ça ouvre la joie de l'association, vraiment. L'association peut être libre parce qu'on est allongé. Elle peut être joyeuse, elle peut être créative, elle peut être, en ce qui me concerne, elle peut être délirante. Elle est libre, en tout cas. Elle est libre. L'analyse, pour moi, c'est un exercice de liberté. D'abord, évidemment, c'est toujours ce qu'on dit, on se fait un cadeau, etc. Oui, oui, et c'est vrai. On fait attention à soi. Tout d'un coup, on est attentif à soi. Même si j'ai été attentif à moi à d'autres moments, mais là, c'est autre chose. Et tout d'un coup, on se met à prendre conscience de la puissance de son inconscient, de ses détours, de sa richesse. C'est un peu enivrant au début. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, ça va être génial, ça. Là, je suis parti pour un truc vraiment fort et libre. Christophe Dufond-Barré, vous êtes psychiatre à la clinique de Laborde. Est-ce que vous avez fait une analyse ? Est-ce que vous êtes devenu psychiatre en sachant que vous seriez un psychiatre ami de la psychanalyse et que c'était comme ça que vous exerceriez votre spécialité ? Mais alors, je pense pas. Enfin, les questions se sont posées un peu autrement pour moi. Donc, je suis belge et vers la fin de mes études secondaires, donc ce qu'en France on appelle le bac, et en Belgique il n'y a pas de bac. Donc il faut choisir les études qu'on va faire. Et moi, ce qui m'a déterminé, c'est la lecture psychanalytique. Et ça m'a déterminé, paradoxalement, à faire la médecine. sans trop savoir bien pourquoi, mais j'avais le sentiment qu'il fallait passer par la médecine pour donner pas corps ou poids à ce que j'avais lu dans des lectures psychanalytiques, mais j'avais l'impression que sans passer par la médecine, c'était un peu comme pas éthéré, mais avec un risque que ce soit je sais pas quoi, que un peu de verbiage ou un peu intellectuel. Je crois que ça comptait pour moi d'être en prise sur le corps, sur la médecine, sur une sorte de réalité de la souffrance, de la mort. Donc j'ai fait la médecine avec l'idée de devenir psychiatre, peut-être psychanalyste, mais enfin, je voulais faire la psychiatrie. Et donc j'ai fait la médecine avec un peu de dédain pour les matières somatiques, me disant c'est moins important que le psychisme. Et en fait, c'est étonnant aussi, ça, parce que c'est vraiment que bien plus tard dans ma pratique que j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir en fait de la médecine générale et l'intérêt de pouvoir faire un peu de médecine générale dans une pratique de psychiatre. Pour beaucoup de malades, c'est très important de prendre au sérieux leur bronchite, leur rhume, et de les soigner si c'est dans ses propres compétences. Ça donne corps au médecin qui s'occupe pas que de la tête, parce que ça veut presque rien dire pour certains malades s'occuper que de la tête. C'est pas sérieux, ça. Donc voilà, j'ai fait la médecine avec l'idée de faire la psychiatrie. Et j'ai fait la psychiatrie avec l'idée de, en tout cas, de trouver une sorte d'intelligence qui mêlerait dans ce travail ce que j'avais pu, de façon toute petite, mais découvrir dans les lectures de Freud, Jung et d'autres que j'avais lues. Et là, c'était très compliqué, en fait, vraiment très compliqué de trouver des psychiatres, que ce soit des profs à l'UNIF ou des psychiatres en poste, qui articulent différentes dimensions, la dimension médicale, dimension par exemple sociale, familiale et psychanalytique au sens du désir des patients, de leur fantasme, de leur vie psychique, de leurs ambivalences, ambiguïtés, passage à l'acte. Et souvent les psychiatres disent il y a d'un côté la médecine, de l'autre la psychanalyse, il faut choisir son camp, il faut choisir sa casquette, on peut pas faire ça va pas ensemble. On dit, il y a un autre auteur qui dit boiter n'est pas péché, mais il faut marcher. C'est pas en marchant tout droit qu'on articule les choses. Il faut marcher un petit peu dans des chemins de travers, trouver sa route petit à petit et prendre. En fait, ne pas. Il faut pas être trop dogmatique. Il y a des traits de caractère qu'on retrouve chez... Enfin, pour être analyste, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il est mieux d'avoir? Comme maladie? Non, comme résistance. Ben, est-ce qu'il faut être voilà, très résistant? Ah, non. Résistance, c'est une catastrophe. On n'entend rien si on résiste. Évidemment, la première chose, c'est d'avoir été soi-même analysé et d'avoir un commerce avec son inconscient un tout petit peu moins résistant, justement. Après, on a tous nos points aveugles et par définition, on les connaît pas. Donc, on peut avoir des surdités, justement, quand ça vient toucher là. C'est la raison pour laquelle souvent on reprend des petites tranches quand on a l'impression que c'est ses propres résistances qui font qu'une cure connaît une stase incompréhensible. On peut en parler en supervision, mais on peut aussi reprendre une tranche parce que tout d'un coup, là, il y a un petit nœud. Et quand un analyste qui a de l'expérience reprend une tranche, il s'allonge de nouveau sur le divan? Oui. Et quand on vieillit, on a pas mal d'analystes en tranche. Je repensais à quelqu'un qui est venu me voir pour me demander une adresse. Et pour des problèmes d'impuissance, et qui ne s'est pas du tout entendu dire « je veux une femme », mais très fermement analyste. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à propos de la question que vous posiez. Je ne sais pas. Bon. Quelle était ma question déjà? Je ne sais plus. Sur la tranche, Marie, les analystes qui reprenaient une tranche. Non, mais peut-être ça n'avait rien à voir. C'est moi qui y ai pensé comme ça. Mais c'est le patient, il voulait une femme pour parler de ses problèmes d'impuissance. Non, il n'a pas entendu qu'il disait « je veux une femme ». Ah, il ne s'est pas entendu le dire. Non. Il pensait qu'il disait « je voudrais » à propos d'une femme ou d'un homme, qu'il disait « je veux une femme analyste ». Mais il ne s'est pas entendu dire, après avoir parlé de ses problèmes sexuels d'impuissance, qu'il voulait une femme. Et là, vous autorisez à rire dans ce cas-là ? Non. Non. Ah ben non. Non, surtout pas. Je ris avec vous, là, en parlant. Parce que c'est quand même drôle quand l'inconscient surgit. C'est souvent spirituel, mais souvent aussi très drôle. Moi, je pense qu'un des critères de bonne interprétation, c'est quand tout le monde éclate de rire. Hein. Surtout le patient. Fénergan. Mogadon. Tranquillisant, Optalidon, impossible de dormir avec Isabelle dans mon lit. Atarax, Hyménoctal. La psychanalyse, c'est pas appliquer des conditions formelles. Donc moi je pense que si je travaille en libéral, bien sûr j'aurais en tête qu'il s'agit de se débrouiller dans chaque situation, comme une sorte de débrouillardise. Pas avoir honte de bricoler quelque chose de spécifique à chaque situation. J'aurais en tête des choses comme ça, mais j'aurais aussi en tête qu'il y a quand même une pratique partagée par beaucoup, beaucoup d'analystes réfléchis, et qu'il y a certains aspects, c'est pas inutile d'être silencieux, c'est pas inutile de ne pas être les yeux dans les yeux quand on parle, c'est pas inutile, ça permet des choses. Donc j'aurais pas non plus une espèce de position anti-psychanalyse dans le sens orthodoxe, loin de là. Mais c'est, par exemple, il n'y a pas vraiment de règles, par exemple, autour de faut-il payer, ne faut-il pas payer, faut-il serrer la main, pas serrer la main, faut-il se vouvoyer, pas se vouvoyer. Ça, c'est, tout ça, c'est un peu du... Ah oui, carrément, oui. Bon, ça n'a pas... En tout cas, c'est pas ça qui fait psychanalyse. Hein. Après, peut-être par exemple, on pourrait dire en France, on se vouvoie, mais il y a plein de pays où cette question ne se pose pas, il n'y a pas cette distinction, ça n'empêche pas de faire la psychanalyse, c'est pas... C'est pas ça qui est l'enjeu. C'est pas tous ces petits aspects presque un peu folkloriques. C'est pas là que ça se passe. Hein. Faut pas se laisser avoir. Parce qu'en plus de ça, quand on voit des films, c'est toujours cet aspect folklorique qui est mis en avant. Non, ce qui est génial ne se voit pas. Ce qui est génial dans l'analyse ne se voit pas. Ça se voit pas comme ça. Ça apparaît pas en filigrane, pas entre deux os. C'est un midir. Ça, on devine. Mais le génie, de ce travail analytique n'est pas quelque chose de flamboyant, ni de visible au sens habituel, quoi. C'est quelque chose qui est un peu fugace, mais qui compte parce qu'il est perçu sans être magnifié, on va dire. C'est pas ça y est, Eureka. C'est des petites choses mais qui changent quand même, qui comptent. Qu'est-ce que vous comprenez au juste à ce que je vous dis ? Quel sens vous trouvez à ce que je vous raconte ? Quel pourcentage de compréhension y a-t-il dans cet endroit ? 20% ou 30% ? J'ai déjà passé dans cette pièce 460 heures, j'ai dépensé 46 millions de lire. En plus, chaque fois que je sors d'ici, je vais m'acheter des robes dans la boutique en bas pour me remonter le moral. Je peux vous dire qu'ils font des affaires en or avec vos patients. Et puis, ils sont pas les seuls, je me suis renseignée. Il y a un restaurant toujours plein, je l'ai remarqué moi-même. Je devrais le dire à mon cousin pour qu'il ouvre une boutique dans votre rue. Vous vous considérez toujours comme coupable. Vous croyez responsable de toute chose qui arrive. Mais nous ne sommes pas en mesure de tout déterminer dans la vie. Nous faisons ce qui nous est possible de faire. Faudrait peut-être un peu apprendre à patienter, à ne pas courir après des devoirs qu'on s'impose. Faudrait un peu apprendre la paresse qui n'a rien à voir avec la passivité, mais qui permet d'avoir un rapport plus décontracté avec la vie et avec notre monde. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'aime mon métier parce que... Parce qu'il va à l'encontre... Catherine Chabert. On essaye d'aller à l'encontre des fatalités. C'est-à-dire des destins qui seraient comme ça établis dès le début de la vie. Voilà, je pense que la psyché humaine est susceptible de changer si on lui en donne les moyens. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire finalement que les destins qui sont comme ça préétablis dès le début de la vie ou au cours de l'adolescence ou même dans l'entrée dans l'âge adulte ou même bien plus tard. Parce que bon, maintenant, le temps passant, j'ai aussi des patients qui sont plus âgés. Je trouve que la psychanalyse, c'est quand même l'idée du changement. Ça va, encore une fois, à l'encontre de la fatalité et du destin. Et c'est ça que j'aime. Puis bon, j'aime les mots, j'aime les rêves. Je crois que j'aime les gens aussi. Il y a quelque chose comme ça d'important pour moi et assez essentiel dans ma vie. Je crois que c'est... Bon, comme... pour n'importe quel métier dans lequel on est véritablement engagé et profondément engagé. Mais je crois que c'est ça, je suis très attachée à la question de la liberté. Et même si l'analyse permet seulement de conquérir un peu plus de liberté, je trouve ça quand même très important, quoi. Parce que ce un peu plus, ça peut faire basculer complètement le cours de la vie. Même si, encore une fois, on ne sort pas d'une analyse dans un état de béatitude absolue. C'est ennuyeux, la béatitude. Je veux dire, ce qui est important, c'est effectivement l'alternance entre des moments où on est plus ou moins dans le plaisir de vivre et d'autres où, effectivement, il y a plus de mélancolie ou plus de... Parce que c'est la vie et que... Et de ce côté-là, je pense que la psychanalyse ne trahit pas la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces systèmes où on doit être tout le temps performant, les plus beaux, les plus intelligents, les plus jeunes. Non, on est dans la vie, c'est-à-dire avec ses bons et ses mauvais moments. On est avec soi-même, avec ses qualités et ses défaillances. Et puis, c'est ça. C'est ça qui me paraît important, quoi. Demain sera un autre jour. Demain, toujours demain. Avec Kamel, médecin urgentiste, Catherine Delarue-Breton, enseignante, demain, Sophie Chauveau, essayiste, Didier Pourquery, journaliste. Les psychanalystes Corinne Ehrenberg, Catherine Chabert, Clarisse Baruch, Christophe Paradas, Patrick Guyomard et le psychiatre Christophe Dufond-Barré. Extrait du film de Nanni Moretti, La chambre du fils. Prise de son, Olivia Branger, Laurent Lucas et Étienne Leroy. Mixage, Manuel Couturier. Attaché d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit. En séance, choisir son analyste, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Demain, troisième volet, l'analyse est une grande traversée. Courage aujourd'hui. Demain, toujours demain.